Chapitre 10e, 28 juin. Ah, la chère créature! Je sais maintenant ce qu'elle voulait me dire hier, et ce mot béni qu'elle avait sur les lèvres, c'est par ma faute que j'ai attendu 24 heures de plus avant de l'entendre, avant de goûter la plénitude de bonheur, l'ineffable ivresse où ma raison se perd depuis que je l'ai entendue. Rien n'annonçait pourtant que l'entretien d'aujourd'hui dut se terminer sur la parole décisive qui nous a liés pour jamais l'un à l'autre. Je l'ai rencontrée dans l'allée qui mène à l'ermitage. Elle m'a dit « J'ai beaucoup réfléchi tandis que vous me parliez hier. Le mariage à vos yeux est surtout une idylle. Pour les Virginie au début, Philémon et Baucis à la fin, c'est charmant. Malheureusement, je suis, comme vous savez, assez peu idyllique. Si le notaire, qui, paraît-il, est en moi, vous inquiète, croyez bien que le troubadour, l'incorrigible troubadour que je vois en vous, ne laisse pas de m'alarmer. Il y a des moments où je pense que si j'étais raisonnable, je devrais vous dire « Monsieur, je suis très honoré de votre recherche, très fier, un peu touché même, s'il faut tout vous avouer, des sentiments que je vous ai inspirés. Vous ne me déplaisez pas, pas du tout. Je vous le prouve en me rencontrant dans les bois avec vous, par hasard, il est vrai, chaque jour, ou peu s'en faut, depuis 3 semaines. Seulement, si je me décide à vous épouser, j'ai un peu peur que nous ne nous jetions des assiettes à la tête avant 6 mois. Il est donc préférable, dans notre intérêt à tous deux, que nous en restions là. » Mon cœur s'est serré. J'ai senti que je pâlissais affreusement et j'ai dit d'une voix qui devait être tremblante « Alors, mademoiselle, tout est fini entre nous ?» Elle a paru jouir de mon trouble, puis elle a repris « Attendez donc, je n'ai pas achevé. Il y a aussi des moments où je songe « Voilà un homme qui m'aime. Pas tout à fait comme je voudrais être aimé, assurément, mais enfin qui m'aime, moi, au lieu d'être surtout amoureux des écus de mon père. Il n'est pas mal de sa personne. Il est un peu naïf, mais point sot. Ses idées sont bizarres, mais honnêtes. Dans ces conditions, il vaudrait peut-être mieux ne pas le faire languir plus longtemps, ce pauvre garçon, et lui dire... » Elle s'est arrêtée. Je ne respirais plus. Mes tempes battaient avec force. Il me semble maintenant que, si ce qu'elle m'a dit alors n'avait pas été ce que je pressentais déjà, la surprise, le désespoir, la colère m'eussent en quelque sorte foudroyé, et qu'un vaisseau, un nerf, quelque chose enfin d'essentiel à la vie, se fût soudain brisé en moi. L'angoisse de cette attente a duré quelques secondes. Je la regardais fixement, d'un regard qui devait condenser toutes les puissances de mon être. J'ai vu, pour la seconde fois, le bleu de ses yeux devenir plus sombre, s'emplir de tendresse et de pitié. Elle a repris lentement, en parlant plus bas, la phrase interrompue. « Il vaudrait mieux lui dire que je veux bien être sa femme. C'est ce que je fais, mon ami. » Elle m'a tendu la main, d'un geste simple et loyal. J'ai pris cette main. J'ai attiré doucement sur mon cœur celle qui me l'attendait et qui n'a point résisté. Mes lèvres se sont posées sur son front pâle, qu'elle ne m'a pas refusé. J'ai senti tout mon être se fondre dans l'indicible suavité de ce premier baiser. J'ai fermé les yeux pour lui cacher les larmes que j'y sentais monter, mais l'émotion était si forte que ce trop-plein de mon cœur a coulé sur mes joues. J'ai pleuré, sans avoir d'autre sujet de le faire que d'éprouver un excès de bonheur allant jusqu'à la souffrance. J'ai pleuré comme un enfant, sans savoir pourquoi, sinon que ces larmes me faisaient du bien, qu'elles venaient du plus profond de mon être, et que toute ma volonté eût été impuissante à comprimer la source mystérieuse d'où elle jaillissait. Claire a essuyé mes yeux, d'un mouvement de mère, en me grondant doucement. Elle disait « Ah, le grand fou, le grand fou !»« Que vous êtes peu sage, mon ami, n'avez-vous pas honte ?» J'ai repris un peu possession de moi-même, j'étais confus. Je me suis excusé. J'ai protesté de ma joie, de ma gratitude infinie et de ma tendresse. Je lui ai juré qu'elle n'aurait jamais à se repentir de s'être donnée à moi, que je lui ferais une belle et douce vie. J'ai voulu lui conter aussi comment je l'avais aimée dès le premier jour, de quelle soudaine et irrésistible croissance cet amour avait grandi. Mais il ne restait déjà plus rien de cette émotion qu'avait un instant exprimé son visage, de ce trouble que j'ai senti passer en elle au moment où je tenais dans mes bras son corps souple. Elle était redevenue aussi calme, aussi maîtresse d'elle-même que si rien d'extraordinaire ne se fût passé entre nous. Allons, allons, m'a-t-elle dit, pas d'enfantillage. Vous aurez tout le temps de me raconter vos petites histoires. Il faut que je rentre bien vite pour m'habiller, car nous avons du monde ce soir à dîner. Dites à votre mère de venir faire la démarche officielle demain dans l'après-midi. Maintenant que j'ai pris mon parti, je suis d'avis qu'il faut mener rondement les choses. Elle a ajouté avec un sourire charmant. Je pense, monsieur, que vous ne m'en serez pas mauvais gré. À demain. Et c'est ainsi que nous nous sommes fiancés, dans le silence et dans la paix des grands bois, à l'ombre des chênes qui étendaient leurs branches au-dessus de nos têtes, en présence de la bonne nature, confidente aujourd'hui de ma béatitude, après l'avoir été naguère de ma désespérance, et qui, de même qu'elle m'avait paru jadis s'associer à ma mélancolie, semblait en cet instant suprême participer obscurément à l'allégresse dont débordait mon cœur. Je suis resté longtemps à la place sacrée où Claire s'est promise à moi. Je veux graver si bien dans ma mémoire l'image de ce lieu, que les années soient impuissantes à l'effacer et que plus tard, à l'heure de la mort, ce soit elle qui vienne flotter devant mes yeux et me rappeler au seuil même de l'éternité le plus beau de mes jours. Et puis je suis rentré. J'ai traversé la plaine en promenant des regards d'amis sur tout le cher paysage familier, sur les gens et sur les bêtes que je rencontrais, sur les choses même qui me félicitaient au passage, car elles ont leur sourire comme elles ont leurs larmes, et je sentais une immense bonté sourdre en moi s'épancher intarissablement sur toute la création. Dieu que l'amour est beau, Dieu que l'amour est grand !